C'était hier, fais tes prières, au rentrant de cœur. C'était hier, fais tes prières, au rentrant de cœur. Dur comme la pierre, rage ma prière, la jette de pierre. C'était hier, pas la première, pas la première. Oiseau de fer ouvrant le cerf, marteau dans l'air, battant le fer. Halo nucléaire perçant les mers, silo de pierre crachant l'enfer. Signaux de guerre partant des terres. C'était hier, pas la dernière, pas la dernière. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Amant des sueurs. C'était hier, fait des prières, au rentrant cœur. Dur comme la pierre, rage meurtrière, la jette de pierre. C'était hier, pas la première. Enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Fleurie, la troisième, sur le qui vit. La troisième, pas d'esquive. La troisième, au récit. C'était hier, pas la première. Fusée laser, pointant des frères. Fusée éclair, rasant les mers. Armée de fer, tuant les pères. Année de guerre, puis en misère. Pétée de terre, couvrant vos brèves. C'était hier, pas la dernière. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs. Amant des sueurs. C'était hier, fais des prières, au rentrant de guerre. Au rentrant de guerre. Tu comme la pierre, rate meurtrière, la jette de pierre. C'était hier, c'est la dernière. C'est la dernière. Héros poussière, enfant cimetière, trop de chimères, amant des sueurs.